Livius Drusus, homme âpre et violent, qui par des lois nouvelles réveilla les séditions des Gracques, entouré d'une immense multitude venue de toute l'Italie, hors d'état de prévoir l'issue d'une lutte qu'il ne pouvait ni terminer ni abandonner après l'avoir engagée, maudissait, dit-on, cette vie de tout temps agitée, et disait que lui seul, même dans son enfance, n'avait jamais eu de congé. En effet, encore sous la garde d'un tuteur et revêtu de la robe prétexte, il osa recommander des accusés au juge et interposer son crédit dans le barreau avec tant d'efficacité que plus d'un arrêt fut notoirement imposé par lui au magistrat. Jusqu'où ne devait point se porter une ambition si prématurée? Et déjà l'on pouvait savoir les malheurs publics et privés que devait entraîner une audace si précoce. C'est donc trop tard qu'il se plaignait de n'avoir pas eu de congé, lui, dès son enfance, un séditieux, un tyran du barreau. Se donna-t-il la mort? On ne le saurait dire. Il fut tout à coup renversé d'une blessure reçue dans l'aine. Quelques-uns doutèrent que sa mort eût été volontaire. Tout le monde convint qu'elle venait fort à propos. Il serait superflu de rappeler l'exemple de beaucoup d'hommes qui, jouissant en apparence de la plus grande félicité, ont rendu de même un témoignage sincère, en mettant à découvert toute leur vie passée. Mais leurs plaintes n'ont changé ni les autres ni eux-mêmes, et à peine ces paroles sorties de leur bouche, leur passion les faisait retomber dans les mêmes habitudes. Oui, certes, votre vie alla-t-elle au-delà de 1000 ans, peut se renfermer en un très petit espace. Vos vices dévoreront des siècles, cet espace qu'en dépit de la rapidité de la nature, la raison pourrait étendre, doit nécessairement bientôt vous échapper, car vous ne saisissez pas, vous ne retenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la chose du monde la plus fugitive. Vous la laissez s'éloigner comme une chose superflue et facile à recouvrer.